Sommeil capital, je rêve d'un avenir où le passé serait mort, un avenir où les enfants tiendraient la main des grands. Je suis un utopiste, un utopiste humaniste. J'ai traversé le pont des arts, j'ai souri sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame et gravi les marches du Sacré-Cœur en haut de la colline. À Paris, j'ai vécu des amours sans lendemain, des amours qui prennent le train, des amours qui s'envolent dans des avions. Soleil capital, je rêve d'un avenir où le passé serait mort. Un avenir où les enfants tiendraient la main des grands. Je suis un utopiste, un utopiste, un utopiste humain. À Paris, j'ai vu la pauvreté, l'extrême pauvreté des gens sans toit. J'ai chanté pour eux sur les marchés, pour quelques pièces de monnaie. À Paris, j'ai marché le long de la Seine, j'ai couru le long des boulevards et bu des bières en compagnie des hommes désespérés. Soleil capital, je rêve d'un avenir où le passé serait mort, un avenir où les enfants tiendraient la main des grands. Je suis un utopiste.